Okay. Ça peut t'appétit. Boum. ¿Cómo andan, Ulises? ¿Todo bien? ¿Qué es de su vida? ¿Están contentos? Sortie de la souricière, j'essaie de m'extraire avant l'inondation plénière, avant l'apocalypse. Je sais. Car je suis prévenu. Par mes ancêtres. Les dangers. Extérieur. Venant, je sais que je vais devoir organisé. Toi aussi, il faudra te blinder avec une armure blindée. Incisive, acérée, protect yourself. Heal yourself. Comme tout le monde.